Je prends des chemins que personne n'a encore arpenté. On est en guerre, les gens te fument comme un calumet de la paix. C'est qu'à Dieu que je dois rendre des comptes. Faire de l'argent sur le dos d'autrui à votre place, j'aurais pire que honte. Liberté mais pas pour tout le monde. J'avale pas vos salades, je trouve ça immonde. Faudrait peut-être que j'arrête de me prendre pour le centre du monde. Sans Dieu et ceux qui me sont chers, je m'effondre. Mes frangins mousselines me disent que je sers le mauvais dîne. À Dieu soit la gloire, il en est plus que digne. Mes lèvres sont impures, je le reconnais. Vu ce que vous proposez, normal qu'une part de folie en moi perdure. On ne se défait pas de ce que l'on est. J'aimerais t'encourager, c'est mon souhait. Et ne serait-ce qu'un instant, capter ton attention, qu'on puisse voir ensemble quelque chose d'important. La notion de valeur se perd. Génération carpe diem, on rêve, les yeux ouverts. Peur d'ouvrir son cœur mais pas peur du revolver. Dans ce monde entre la raison et la folie, y a plus de frontières. Ce sont nos mauvaises pensées qui polluent l'atmosphère. Que puis-je faire? Apparaître spectateur.